L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Olivier Dubois, vous êtes chorégraphe, vous avez été artiste en résidence à l'apostrophe au cours des dernières années. Vous venez à nouveau nous rendre visite avec une création qui a pour titre « Les mémoires d'un seigneur ou l'homme disparu ». Je crois avoir lu qu'il s'agit d'un titre provisoire. Il s'agit d'un solo autour de la solitude de l'homme de pouvoir. Exactement. Je dirais que c'est une grande complainte. C'est une complainte d'un roi, d'un seigneur qui n'a que comme seul interlocuteur l'horizon et les astres. Et voilà, c'est, je dirais, une traversée de ces doutes, de ces failles. C'est peut-être presque le moment, j'aime bien dire, c'est peut-être le moment de ce jugement dernier, mais pas du tout de manière où on va lui donner son dernier avenir, mais où il va se défendre pour aussi encore une fois décider de son avenir. Et voilà, donc on va traverser les idéaux, ses rêves, ses échecs, écrire son histoire, écrire l'histoire, la disparition du soi pour l'humanité, pour la nation, voilà, ouais. Choses comme ça. De la gloire à l'oubli, en passant par la déchéance de tous ses attributs, car effectivement, roi triomphant ne l'est pas pour toujours. Exactement. Il n'en est qu'un homme. Et peut-être ce qui est aussi intéressant, enfin important pour cette pièce à dire, c'est que en fait c'est un solo, mais c'est un faux solo. Parce qu'en fait c'est un solo, mais il est accompagné de 40 hommes. Un vrai décor vivant. C'est un décor vivant, voilà. Qui, j'aime bien dire, ce sont l'incarnation de ses pensées. Ce sont des citations, sont des civilisations, c'est vraiment le regard que l'on peut porter, c'est le jugement, c'est la rumeur. Seul contre tous, forme d'affrontement. Je ne sais pas si c'est seul contre tous, c'est peut-être seul pour tous. Votre propos, et en tout cas effectivement de la gloire à l'oubli, je disais, ces trois époques qui viendront rythmer ce ballet d'un soliste, un seul danseur sur scène. Oui, enfin un seul et 40 hommes. Oui, en effet. Mais après c'est une basque, ces trois temps ne sont pas, parce que là je suis en plein cœur de la création, donc les choses encore bougent, et aujourd'hui par exemple je sais déjà que ces trois temps ne seront pas, c'est pas partie 1, partie 2, partie 3, mais elles vont se mêler, c'est-à-dire qu'on passera très rapidement de la gloire à la chute, à l'oubli, ouais, à l'adieu. Voilà, rien n'est. J'ai pas du tout. Je ne souhaite pas une avancée chronologique. Je ne souhaite pas. Et puis rarement chez moi, il y a l'esprit, je dirais, un peu didactico, historico, je ne sais quoi. Je trouve que si je le fais pour cette pièce-là, de cette manière pré-structurée. Je pense qu'on va, j'irai à ce chemin-là, et j'aime pas du tout, c'est plutôt de créer la perte aussi, la perte de repères très clairement définis, qui peuvent être par exemple historiques, juste comme ça, pour complètement libérer la sensation, ouais. Et qu'on sente la solitude, c'est quelque chose, voilà, c'est par exemple, c'est une pièce qui est faite, bon, oui, un solo, mais que sur des très grands plateaux. Donc vraiment cette grande solitude-là, la douleur, la culpabilité. Et bien sûr, c'est de la danse. Donc c'est marrant parce que tout ça nous amène peut-être à penser à une sorte de théâtre, mais c'est vraiment tout ça avec beaucoup de mouvement. Alors, une dimension céleste, je crois avoir lu, entre temps solaire, temps lunaire. Exactement. C'est ça. Ça vous en fait beaucoup. Voilà, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est oui, solaire, lunaire, les temps de jour, les temps de nuit, les temps de disparition, les temps de gloire. Voilà, c'est un. Et au bout du compte, c'est aussi très important que c'est ramené à la. Tout cela ne tient qu'à la vulnérabilité d'un homme. Et c'est cette vulnérabilité-là qui génère, produit les systèmes de défense, les systèmes d'attaque, les stratégies. Les failles, donc c'est tout à travers, tout ça ne tient que sur un homme au bout du compte, et par exemple de parler de, c'était aussi de la disparition, c'est-à-dire de ne d'être dépossédé de son être par la nation. Je crois avoir Je crois avoir lu, quand vous parliez effectivement dans les notes d'intention pour cette création, vous décriviez donc ce travail comme un voyage au long cours baigné de théâtre élisabétain. Oui, ben, parce qu'on est sur toutes ces, je dirais, ces grandes, à la fois ces grandes tragédies, ces grandes épopées. On est complètement, il y a de la brillance, il y a de l'or, et à la fois il y a du sang, il y a du pourpre, il y a des contrepoints, il y a des clairs-obscurs. On est vraiment à cet endroit, je trouve, d'un théâtre élisabétain, et avec des intrigues très fortes. Je crois également avoir lu qu'il y a différentes langues qui sont présentes justement pour évoquer, pour séparer les périodes. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui commence à s'éloigner pour peut-être une langue qui n'existe pas, qui est celle de, je dirais, d'une... Ouais, je suis en train d'écrire parce que j'écris aussi des textes à moi qui sont pas forcément audibles. Qui vont être grommelés, qui vont être parce qu'on a un ermite savant, on a comme ça ce philosophe, le fou du savant, c'est-à-dire celui qui sait et que personne ne croit, et du coup il parle une langue qu'on ne comprend pas, mais qui est celle de toutes les langues, qui n'est pas un espéranto, c'est-à-dire qui n'est pas une langue comme ça, je dirais, nivelée un peu par le bas, mais qui est plutôt qui a toutes les saveurs de toutes les langues et avec chaque mot choisi, et qui moi je ne voulais pas, et c'est là peut-être la limite à la question du théâtre aussi, c'est que je ne voulais pas avoir un texte peut-être qui vous dise quelque chose, mais encore une fois que vous ressentiez complètement ce dont il est question à ce moment-là. On voit bien, vous êtes dans le processus de création, puisque le spectacle sera à découvrir le 1er et 2 avril 2016 au théâtre Paul-Éluard à Beson, et cela dans le cadre d'Escaldance en Val-d'Oise, action à laquelle participe l'apostrophe, la scène nationale de Sergi Pontoise également. Un grand merci, on aura donc l'occasion de vous réentendre d'ici là. Avec grand plaisir. Merci à vous, très bonne journée Olivier Dubois. Bonne journée, au revoir.